Bonjour à vous tous et vous suivez la radio Isanganiro, c'est le mois du journal en français de ce dimanche. D'abord les titres. Le Parti Congrès National pour la Liberté, SNL, en sigle, n'a pas bien accueilli la décision du ministère de l'Intérieur interdisant à ce parti de fêter les 4 ans et échanger sur le devoir pour l'année 2023. Dans ce journal, vous allez suivre Gwasa Agato, président du Parti SNL. Et une personne est morte poignardée par des voleurs venus pour voler des animaux d'élevage. C'est dans la province de Gitega. Vous le suivrez dans ce journal, les pages chroniques et nutrition. Aujourd'hui, on va vous parler de la pomme de terre qui est particulièrement riche en potassium. Et selon le chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza. Voilà pour les titres. Eric Wiman assure la mise en onde. Jean-Marie Mayonga la présentation. Bonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page politique. Le Parti Congrès National pour la Liberté, SNL en sigle, n'a pas bien accueilli la décision du ministère de l'Intérieur interdisant ce parti de fêter 4 ans de son anniversaire et changer de vœux pour l'année 2023. Agathon Gwasa, président du Parti SNL, se dit étonné de cette mesure. Il ne comprend pas comment certains partis politiques ne sont pas autorisés à travailler librement, suivez-les. Il y a un groupe de gens qui ont écrit une lettre à mon adresse, mais qui ont transmis copie au ministre de l'Intérieur, lequel ministre a donné poids à ce groupe pour finalement refuser le droit aux partis politiques. Dans un entretien que nous avons eu le mercredi 15, on s'est convenu que j'allais rencontrer ces gens vendredi 17 à 15h, ce que j'ai bien fait. Malheureusement, la réunion n'a pas été terminée le vendredi. Nous avons pu continuer la réunion le samedi. Au cours de la réunion, malheureusement, on voit une décision qui est déjà tombée, la lettre du ministre nous interdisant de fêter cet anniversaire et d'échanger des vœux, qui est lettre qui avait été signée le 17, ce qui montre que quelque part, il y a anguille sous roche. À l'issue de nos travaux, nous avons sorti un communiqué que nous avons transmis au ministre de tutelle. Dans ce communiqué, nous demandions qu'on puisse lever cette mesure d'interdiction de célébrer l'anniversaire et le nouvel an. Malheureusement, on n'a pas pu avoir gain de cause. Nous attendons voir l'évolution de la situation. Mais tout ce que nous pouvons rappeler, c'est que le ministre lui-même avait enjoint un ordre à ses subalternes, les gouverneurs et les administrateurs communaux, de laisser les partis la largesse et la liberté d'exercer leurs droits conformément aux prescrits de la loi. Par ailleurs, la loi est claire. L'administration ne s'immisce pas dans les affaires intérieures d'un parti X ou Y. C'est étrange et c'est étonnant que ça se passe de la sorte. En tout cas, on attend voir comment ça va évoluer. Mais c'est quand même navrant de voir qu'on dit une chose et on fait son contraire. C'était Agathon Gwasa, président du parti SNL. Les dossiers des justiciables devraient être numérisés, soit mis par les députés lors de l'analyse des projets de loi portant révision du code judiciaire au Burundi. Au cours de cette semaine, le ministre de la Justice a répondu que cette question est en cours de traitement au Merdouaï. Inquiet des pertes des dossiers au sein des tribunaux, les députés demandent au ministère de la Justice de procéder à la numérisation pour une bonne conservation. Beaucoup de jugements sont mal conclus suite aux pertes des dossiers. J'aimerais demander au ministre de songer à la numérisation de ces dossiers pour éviter ces pertes. Ici, Domine Banyangimbona, ministre de la Justice, explique que cette problématique est en cours de traitement. Cet autre député revient sur la question d'autonomie de gestion pour les tribunaux de résidence. Certains jugements ne sont pas exécutés au sein des tribunaux de résidence sous prétexte du manque de moyens de déplacement. N'est-ce pas nécessaire que ces tribunaux aient une autonomie de gestion pour un bon déroulement des activités? Le ministre Banyangimbona dénonce des tricheries au niveau des présidences des tribunaux qui ont voulu tromper le ministère en charge des finances alors qu'en revanche, ils se trompent eux-mêmes. La radio de l'avenir. Radio Isanganiro, journal continue, page et sécurité. Une personne est morte poignardée par des voleurs venus pour voler ses animaux d'élevage. Le drame s'est passé la nuit de ce samedi à dimanche sur la colline Rukoba, commune province de Gitega. Les habitants de cette localité parlent de la recrudescence des cas de vol des animaux d'élevage, de vol dans des champs et dans des ménages. À la police Gitega, on invite la population de cette colline à être plus vigilante et redynamisant les comités mixtes de sécurité et en collaborant avec les forces de l'ordre et de sécurité. Jérôme Bikir. La victime est un homme de 63 ans qui répond au nom d'Ondikumana Elias, connu sous le sobriquet de Lians, de la sous-colline Wivumani, que d'autres appellent Nyakarambi, colline Rukoba, commune et province de Gitega. Sa veuve dit que ses bourreaux sont des voleurs qui voulaient voler leurs moutons et chèvres. Elle ajoute qu'il était vers 1h10 de ce matin, lorsque feu son mari s'est réveillé suite au bruit qu'il entendait dehors. Voula passer par la porte qui mène à la basse-cour, il a trouvé que le voleur l'avait fermé de l'extérieur. C'est ainsi donc qu'il a dû passer par l'autre porte qui mène à la cour intérieure et ainsi il s'est heurté à ces voleurs qui l'ont poignardé à mort au niveau de la gorge. Il laisse une veuve et 8 enfants. Sa veuve souligne également que ces bourrons étaient venus pour voler leurs 2 moutons et une chèvre parce qu'ils avaient déjà troué l'omir de l'étable et de ces bêtes pour les faire sortir. Les habitants de la sous-colline Bivumani Nyakarambi font savoir que pendant un seul mois, 5 moutons et 2 porcs ont été volés. Cela étant, les habitants de la colline Rukoba en général parlent de la recrudescence des cas de vol des animaux d'élevage, de vol dans des champs et dans des ménages et que la situation s'empire de jour au jour. À propos, le commissaire provincial de la police à Gitega, colonel de police Evariste Habogorimana, qui s'est rendu sur le lieu du drame, demande à la population de la colline Rukoba d'être plus vigilante en redynamisant les comités mixtes de sécurité qui collaboreront avec les forces de l'ordre. Il précise en outre que les enquêtes ont déjà débuté pour identifier les auteurs du meurtre de cette nuit à cette colline Rukoba. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour la radio Isanganiro. Merci à toi, Jean Ibigira. Quittons la province de Gitega pour une aide de la province de Bururi où les routes du chef lié de la province Bururi, dont celle menant vers le cabinet du gouverneur, sont totalement délabrées. Des nids de poules y sont éparpillés. Les propriétaires des véhicules déplorent la persistance de cette situation malgré le bouchage de ces nids de poules et pendant les travaux de développement communautaire. Ils demandent la réhabilitation effective de ces routes. Le ministère des infrastructures dans ses attributions promet construire au moins 1 km au chef-lieu de la province de Bururi à l'aide des reliquats. Les détails avec Zeno Nzambimana. Toutes ces routes qui étaient goudronnées mais qui sont aujourd'hui délabrées mènent vers le quartier Gisuru du chef-lieu de la province de Bururi. C'est notamment la voie menant vers le bâtiment abritant les différents bureaux, dont le cabinet du gouverneur de la province de Bururi, le bureau provincial de l'enseignement et le guichet unique. La route menant vers le bureau de l'antenne provinciale de la fonction publique, une voie qui n'est presque plus empruntée suite à son état d'impraticabilité, surtout quand il y pleut. Sans oublier la route passant par l'hôpital régional de Bururi. Le constat est que certaines de ces routes sont pleine de nids de poules, d'autres ne présentent aucun signe qu'ils étaient goudronnés. Les conducteurs des véhicules grognent suite à cet état d'impraticabilité de ces routes, malgré les efforts de la population et l'administration locale qui essaient de boucher les nids de poules et déboucher les caniveaux, ce qui a été fait même lors des travaux communautaires de ce samedi organisés par l'administrateur communal de Bururi, Félix Niongabo, les travaux qui se sont déroulés non loin du monument de l'indépendance du Burundi. Les habitants du chef-lieu de la province de Bururi demandent la réhabilitation de toutes ces routes. Que ceux qui ont élaboré le projet de bitumage de la route Bururi-Gitega, dont les travaux sont en cours, n'ont pas prévu les travaux connexes pour la réhabilitation de ces routes du chef-lieu de la province de Bururi. Une question qui a été soulevée également lors de la réunion organisée à Bururi le mois écoulé par le ministère ayant les infrastructures dans ses attributions. À ce sujet, le ministre Dieudonné Dukundane a fait savoir que même si ces travaux connexes n'ont pas été prévus, on pourra utiliser des reliquats pour réhabiliter au moins 1 km. De ces voies du chef-lieu de la province de Bururi. Depuis Bururi, Zeno Nzambimana pour la radio Isanganiro. Merci à Zeno Nzambimana, excusez pour certaines corrections. Et dans la province de Chibitoke, l'école en construction des sourds muets installée au chef-lieu de la province Chibitoke a été financée à hauteur de plus de 64 millions pour les travaux de finissage. Ces fonds proviennent des contributions des banques et associations, sociétés d'assurance et collectées par le groupe nommé Bene Samuragwa. Cet enseignant de cette école demande le régime d'internat sur la dite école et la sensibilisation des parents des enfants sourds muets pour les faire inscrire dans cette institution Alexis Dairagic. Les infrastructures de cette école de Surumiwe qui ont été appuyées ce samedi, c'est une aide de plus de 64 millions, se trouve sur la colline Karurama, commune Ugombo de la province Chibitoki. Jusqu'à présent, cette école a un effectif de 22 enfants tous externes. Avoir l'avancement des travaux de construction de cette école à deux niveaux, cet appui sera utilisé dans les travaux de finissage. Ces 64 millions d'appui ont été donnés par certaines banques comme la BNDE, la CRDB Bank, des maisons d'assurance comme BIC, des associations comme BBS, OTA, Green World et le groupe Ben Samuragua avec plus de 11 000 sacs de ciment évalués à plus de 33 millions. Même si la construction de cette école se retrouve aux travaux de finissage, certains enseignants dans cette école demandent de l'internat pour ses enfants, le matériel didactique adéquat et surtout la sensibilisation des parents ayant les enfants surmiwe afin qu'ils se fassent inscrire massivement dans cette école d'excellence. Le directeur communal de l'enseignement en commune Ugombo indique que le système d'éducation est inclusive et nous voulons dans cette commune qui est patiente que la direction communale de l'enseignement au Gombo est à pied d'œuvre afin que ses enseignants soient satisfaits dans leurs doléances. Cette école a été le plus construite dans les travaux communautaires. Depuis Chibitoke, Alexine Deragege, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. La pomme de terre est particulièrement riche en potassium. Elle est également riche en magnésium, cuivre et en fer et en zinc, selon Jean-Paul Ouineza, chercheur nutritionniste, qui explique que la pomme de terre renferme aussi d'autres choses qui ne sont pas nutritives, mais qui protègent notre organisme. Chronique nutrition avec Leonidas Kirombo. La pomme de terre, selon le chercheur nutritionniste Jean-Paul Ouineza, son féculent est riche en potassium et magnésium et autres sels minéraux. La pomme de terre renferme des fibres végétales alimentaires. La pomme de terre renferme aussi d'autres choses qui ne sont pas nutritives, mais qui sont des éléments phytochimiques qui peuvent quand même protéger notre santé ou bien soigner notre santé. La pomme de terre contient ce qu'on appelle des substances sédatives que l'organisme a besoin, surtout des personnes souffrant des problèmes de l'estomac. La pomme de terre peut être consommée par une personne diabétique et ne peut pas causer de problèmes. En cas aussi de diabète, les pommes de terre contiennent des hydrates de carbone complexes, c'est-à-dire l'amidon. En fait, cet amidon-là se transforme en glucose de manière lente au cours de 3 ou 4 heures que dure la digestion dans l'intestin. Il ne provoque donc pas d'augmentation brusque du niveau de glucose dans le sang. D'où la pomme de terre s'utilise très bien pour des personnes ou par des personnes diabétiques et elle ne peut pas quand même occasionner aucun problème même si la personne utilise la pomme de terre au sucre. Selon Jean-Paul Ouineza, la pomme de terre peut être transformée en jus et cuite en four pour garder sa saveur. Cuisiner à la vapeur, c'est la manière idéale de consommer les pommes de terre car elle conserve mieux les substances nutritives si elle ne provoque pas de ne proviennent pas de cultures biologiques. Il est préférable de les pérer en fait de ne pas quand même rester avec d'autres choses, d'autres substances qu'on appelle solanine. Solanine qui se trouve sous la peau de la pomme de terre et qui est une caroïde très difficile et qui peut même provoquer des effets néfastes sur notre organisme. Là, il faut bien peler les pommes de terre. Une autre manière, bouillir, tu peux quand même les bouillir seul ou avec des légumes, là, avec des amalantes, des oignons, ainsi de suite. Cuite au four, seul ou accompagné d'oignons ou de poivrons. Pour faire des frites, c'est la manière la moins salutaire, en fait, de les consommer parce que la pomme de terre perd beaucoup de choses en subissant de l'étang de la friture. On peut utiliser votre pomme de terre sous forme de jus. Il est employé comme antiacide, c'est-à-dire pour des personnes qui souffrent des problèmes de l'estomac, on peut utiliser de la pomme de terre sous forme de jus. La pomme de terre trouve son origine en Amérique du Sud et elle est aussi cultivée au Burundi. Merci à Léonidas Kirombo pour la chronique nutrition. Et bien voilà, c'est pas ici que nous mettons pour finir à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Rikuimana pour la mise en onde. Jean-Marie Mayongati avec vous à la présentation. Bon dimanche, au revoir.